بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 39 بعد 100. سطر حديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. Donc il a dit selon le Bara ibn Azib رضي الله عنهما que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a sermonnés le jour de l'Adha, c'est-à-dire le jour du Eid et l'Akbar, celui où on égorge. Et cela après la salat, après qu'il ait fait la salat. Ala wa shahid. Et il a dit, celui qui a fait la salat et a sacrifié notre sacrifice, comme nous, alors ce sacrifice sera valide. Et celui qui aura sacrifié avant la salat, ce sacrifice ne sera pas compté. Donc, Ala Abu Burda ibn Niyar, Khal al-Bara ibn Azib, Ya Rasulullah, inni nasaktu shati, qabla al-salah. وعرفت أن يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتعذيت قبل أن آتي الصلاة. قال شأتك شات لحم. قال يا رسول الله إن عندنا عناقا وهي أحب إلينا من شاتين فتجزي عني. قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. Donc après Abu Barda ibn Niyar qui est l'oncle maternel de Al-Bara ibn Azib qui a porté le hadith, il a dit au message d'Allah, moi justement j'ai égorgé ma brebis avant la salat, ma brebis ou mon agneau ou mon mouton, la bête de sacrifice, car je savais qu'aujourd'hui c'était un jour de nourriture et de boisson, et j'ai voulu que mon mouton soit le premier qui soit égorgé dans ma maison. Donc je l'ai égorgé et j'en ai mangé avant que je ne fasse la salat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ton égorgement n'est qu'un égorgement de viande, c'est-à-dire qu'il n'est pas compté comme étant le sacrifice du Eid. C'est qu'une simple viande de nourriture normale, sans en avoir de récompense. Après, il a dit au messager d'Allah, nous avons une petite chèvre qui est plus aimée auprès de moi que deux agneaux. Est-ce qu'elle sera valide pour moi si jamais je l'égorge? Il a dit oui, et elle ne sera valide que pour toi, que pour personne d'autre après toi. Cela ne sera valide pour personne d'autre après toi. نعم يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الراوي سي البراء بن عازب dont on a déjà parlé auparavant. Et le sujet du hadith, il concerne différents sujets. Parmi eux, que la salat du Eid se fait avant la khutbah. Et parmi eux, le sujet également les règles du sacrifice. Donc il dit dans le Sharh al-Ijmali du hadith. يخبر البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه بعد أن صلى بهم صلاة العيد الأضحى وبين لهم أحكام الذبح ووقته وأن من صلى صلاة المسلمين ونسك نسكهم فوافقهم في سنتهم فقد وافق النسك المشروع وصار جديرا بالقبول. Donc là, Al-Bara ibn Azib informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a sermonné ses compagnons après avoir fait la salat du Eid. Ça c'est Shahid en premier lieu. Et l'Eid al-Adha. Après, il leur a expliqué quelles sont les règles du sacrifice et quel est son temps. Et que celui qui aura fait la salat des muslimines et qui aura ensuite sacrifié comme selon leurs règles, selon les rites de l'islam, alors lui, il aura la récompense. Son sacrifice sera compté comme valable et sera accepté auprès d'Allah Azza wa Jal. قال واما من ذبح قبل تمام صلاته وفأضحيته غير مقبوله ولا كامله فاخبره ابو البرداء ابن نيار بانه اجتهد فذبح اضحيته قبل الصلاه حبا لن تكون اضحيته اول ما يذبح في بيته. Donc celui par contre qui fait son égorgement, son sacrifice avant la salat, alors celui ne sera pas accepté. Ce sera justement que de la viande seulement, mais ce ne sera pas le sacrifice du Eid. Donc de là, Abu Burda ibn Niyar, qui est l'oncle maternel de Al-Bara ibn Azib, a dit que lui, justement, il a fait un ijtihad, c'est-à-dire un effort d'interprétation de lui-même, une chose qui vient de lui-même, qu'il a égorgé son animal avant la salat, car il voulait que son animal soit le premier qui soit égorgé dans sa maison. فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ شَاتَهُ لَا تَقَعْ أَضْحِيَةً وَإِنَّمَا هِيَ شَاتُ اللَّحْمِ لِأَنَّهَا قبل الوقت فأخبره أبو بردة بأن عنده في البيت ناقا أحب إليه من شاتين وسأله هل تكفيه أضحية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. Donc il a dit, après cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le sacrifice de Abu Burda n'était pas valable. Et que ce qu'il a sacrifié, la viande qu'il a mangée, n'est qu'une simple viande normale. Il n'y a pas de récompense derrière. Donc après, Abu Burda lui a informé qu'il avait une jeune chèvre, qu'il était plus aimé auprès de lui que deux moutons. Il lui a dit, est-ce que celle-ci sera valable pour lui si jamais il l'égorgerait? Il lui a dit oui, et cela ne sera valable que pour personne d'autre après toi, après cela. C'est-à-dire que l'animal qui doit être égorgé doit avoir atteint un certain âge, on appelle un masinna. C'est-à-dire qu'il faut que ses dents de lait soient déjà tombées. Et généralement, pour une chèvre, cela arrive au bout d'un an. Sauf que lui, il avait une jeune chèvre qui avait moins d'un an. Donc c'est-à-dire que l'âge là-bas, cet âge-là, cette chèvre n'est pas considérée comme étant valide. Du moins, cette chèvre n'est pas considérée comme rentrant dans les conditions pour que son sacrifice soit rendu valide. Elle est trop jeune. D'accord? Elle est trop jeune. Par exemple, pour un mouton, une brebis, le minimum d'âge, c'est 6 mois. Car c'est au bout de 6 mois, généralement, que ses dents de lait tombent. Le vrai jugement, ce n'est pas l'âge, c'est les dents de lait. Mais en général, ça tombe à cet âge-là. C'est-à-dire que si un animal perd ses dents de lait avant l'âge décrété, alors le sacrifice, il est valide. Et si elle tombe après l'âge décrété, par exemple, l'animal, il a 6 mois. Le mouton a 6 mois, mais ses dents de lait ne sont pas encore tombées, il ne sera pas valide. Donc l'âge n'est qu'un approximatif. C'est un peu comme l'azan avec le temps de la salate. L'azan n'est qu'un signe, mais parfois, le muazzin fait l'azan des fois en retard. Ou des fois, il le fait en avance. La vraie chose à prendre en compte, c'est le soleil, la rentrée du temps. Cela n'est qu'une indication. Et bien, cet âge donné par les ulama approximatif n'est qu'une indication seulement. Non. Donc ne pas prendre cela dans l'absolu. Mais souvent, c'est ça qui est le cas, qui coïncide. Un peu comme l'âge de la distinction. Généralement, ça arrive à l'âge de 7 ans pour un enfant. Mais des fois, des enfants, ils ont le tamiz à 5 ans. Et des fois, certains, ils l'ont tard, ils l'ont à 9 ans. Mais en général, c'est à 7 ans. En général, c'est à 7 ans. De toute façon, le hadith est venu pour dire que à 7 ans, l'enfant, on lui ordonne de faire la salate, qu'il soit moumaïs ou pas. يقول بعد ذلك من فوائد الحديث أصلاً ما تجد الحديث أولاً مشروعية الخطبة في العيدين وأنها بعد الصلاة qu'il est légiféré justement de faire la khutba d'accord après la salat et cela lors des deux عيد أضحى وفطر ثانياً أنه يشرع في الخطبة أن تكون مناسبة للوقت والحال ويذكر في كل وقت وحال ما يناسبها et qu'il est légiféré justement dans la khutba de dire ce qui est approprié avec la situation, avec le temps. C'est-à-dire, si les gens vivent une chose particulière à ce moment-là qui est générale, il est bon d'en parler. Il est bon d'en parler, de donner le sujet qui correspond à la situation. Et que celui, justement, qui aura transgressé, du moins qui n'aura pas agi selon la sunna des muslimines, alors son œuvre sera rejetée. Même s'il avait une bonne intention. Ce hadith-là montre bien que Abu Burda avait une bonne intention en faisant ce qu'il a fait, et c'est un sahabi. Pourtant, malgré cela, son acte n'a pas été accepté. Donc, on ne regarde pas la personne, mais on regarde les règles. On ne regarde pas la personne, on ne regarde pas l'intention également, on regarde les règles. Car, comme vous le savez, pour que les actes soient acceptés, il y a deux règles fondamentales qui sont, en premier lieu, avoir l'intention de plaire à Allah Azzawajal, et également l'intention de faire cet acte en lui-même. Et deuxième condition, c'est que cela soit en conformité avec l'enseignement prophétique. Tel que le Nabi Sallam a dit de le faire. Et là, Abu Burda, malheureusement, n'a pas été en concordance avec la Sunna, car il a fait cela avant le temps. Donc, le Nabi Sallam le dit que son sacrifice n'était pas accepté. Rabi'an, anna man fa'ala l'ibadata al-mu'akkata qabla waqtiha lam tujza. Wa in kana jahilan misl an yasbah adhiyatahu qabla salat al-Eid. Celui qui fait une adoration avant son temps, celle-ci ne lui est pas rendue valide. Même s'il était ignorant. Comme par exemple quelqu'un qui aurait égorgé son sacrifice avant l'heure. Comme ce fut le cas de Burda, ou quelqu'un qui fait la salade avant l'heure. Il ne savait pas, l'heure n'est pas rentrée. D'accord ? Eh bien, on va dire que lui, son adoration, sa salade n'est pas valable. N'est pas valide. Bien qu'il n'a pas commis de péché car il ne savait pas. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas valide, il faut qu'il recommence. Khamisan, en al-adhiyata la taji bis-sarir, allazi lam yablugh sin al-adhiya. Et que l'animal a sacrifié. Ne rendra pas le sacrifice valide s'il n'a pas atteint l'âge légiféré. D'où le fait que Abu Burda, d'accord, a sacrifié une chèvre qui était trop jeune. Et ça dit San, yakul anna hukm an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wahid min al-umma hukm al-jami' al-umma illa an yadull dalil ala khususiyyati. qu'il a dit le cheikh, que le jugement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour une personne de sa communauté est valable pour toute sa communauté tant qu'on n'a pas une preuve qui montre que cela lui est particulier, lui est rendu particulier. Comme c'est le cas d'Abu Barda. Abu Barda, ce qu'il a fait là n'est propre, n'est que pour lui. Personne après lui ne peut venir et se mettre à égorger un animal en dehors de son âge du fait qu'il s'est trompé avant qu'il a fait un égorgement avant la salat et après il a voulu rattraper cet égorgement en égorgeant un animal qui n'en remplit pas les conditions. Cela n'a été propre que pour Abu Barda. Bien que dans un autre kalam, Cheikh Othaymine, il voit que cela est propre pour toute la Ummah. Car il dit que les règles sont bâties sur les descriptions et non pas sur les individus en soi. Mais en réalité, le hadith en lui-même, il est clair et apparent que ce jugement, cette exception, n'a été accordée qu'à Abu Barda. C'est tout. Donc, à l'avenir, quelqu'un qui aura encore égorgé avant l'heure, il ne sera pas autorisé d'égorger un animal qui ne remplit pas les conditions afin de rattraper son égorgement hâtif. Mais il devra égorger un animal qui, lui, remplit les conditions complètes. Et s'il ne peut pas, à la base, cet égorgement n'est pas obligatoire. Il est fortement recommandé pour qu'il en ait les moyens. Naam. Hadha alladhi akhadhna al-yawma min al-hadith. Alhamdulillah rabbil alamin.